بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons évoqué la semaine dernière les deux conditions d'acceptation de l'œuvre, qui sont la sincérité et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions introduit par l'importance du cœur dans notre religion et que c'est le point de départ des actes, et que la correction extérieure de l'individu passe par la correction de son intérieur. Et ceci est montré dans le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-halal ou bayyin » le licite est évident. « Wal-haram ou bayyin » et le haram est évident. « Wa baynahuma umurun mushtabihat » et entre eux il y a des notions équivoques. « La ya'lamuhunna kathirun minan nas » la plupart des gens ne les connaissent pas. « Faman ittaqa shubuhati faqad istabra alidinihi wa irdih » celui donc qui délaisse les shubuhat a certes protégé sa religion et sa personne, son ird, sa réputation. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ et celui qui tombe dans les shubuhat, les choses équivoques, est tombé dans le haram. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ tout comme le berger qui fait paître son troupeau à côté donc de la propriété de quelqu'un. يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ il n'est pas loin de voir ses moutons aller dans cette propriété. Ala inna li kulli malikin hima. N'est-ce pas que tout roi a une propriété? Ala inna himallahi maharimuh. N'est-ce pas que la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ses interdits? Puis le prophète alayhi salatu wasalam donne la règle générale concernant le cœur. Ala inna fil jasadi mudra. N'est-ce pas que dans le corps il y a un morceau de chair? Idha salahat aw saluhat صلاح الجسد كله. Si ce morceau de chair est pur, tout le corps est pur. Et si واذا فسدت فسد الجسد كله, et si jamais elle est corrompue, tout le corps est corrompu. الا وهي القلب, n'est-ce pas que ce morceau de chair est le cœur. Et le travail sur le cœur est un travail de longue haleine, un travail qui se fait sur le long terme. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Et nous avions donc lu quelques versets d'Allah Azza wa Jal et des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que certaines paroles de personnes pieuses. Et aujourd'hui, inshallah, nous allons traiter la notion du ilm, de la science, al-ilm. Et nous avions évoqué lors de la semaine dernière à côté, nous avons évoqué ça avec la notion du ikhlas. Nous avions dit que l'ikhlas, c'est la sincérité. Et donc, c'est prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme objectif, ne rechercher qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions dit que le sadiq, le véridique, c'est le sidq, c'est l'ikhlas wa ziyada. C'est l'ikhlas avec un ajout, donc l'acte, agir pour pouvoir atteindre son objectif. Donc le sadiq, le véridique, c'est quelqu'un qui recherche Allah Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci se trouve dans le cœur. Et qui aussi, donc, se met en pratique, se met en action pour pouvoir arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sadiq, c'est un mukhlis, c'est un sincère. Mais le sincère n'est pas obligatoirement sadiq. Il y a des gens qui disent « Je cherche réellement Allah Azza wa Jal ». Mais ils ne se mettent pas en route et ne mettent pas en place les actes qu'il faut pour pouvoir arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sadiq, ce véridique, pour pouvoir arriver à bon port, il faut qu'il connaisse le chemin. Il faut qu'il connaisse le chemin. Et nous avions dit donc que pour que l'acte soit accepté, il faut « al-ikhlas wa al-mutaba'a ». Donc le véridique, il a l'ikhlas, la première condition qui est la condition interne, il recherche Allah. Et il a aussi as-sidq, c'est qu'il se met en action. Mais ceci, pour que ce soit validé, il faut qu'il prenne le bon chemin. Car comme l'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, il dit « Khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima wa qala hadha siratullah. Thumma khatta khutatan puis wa qala hadhihi al-a'rad aw hadhihi as-subul wa ala kulli wa ala ra'si kulli sabilin shaytanun yad'u. » Abdullah ibn Mas'ud rapporte dans le sens du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait. Et il a dit un trait droit. Il a dit ceci est le chemin d'Allah. Que nous demandons à Allah Azza wa Jal dans la Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Le prophète alayhi salatu wa salam a donc fait un trait au sol et a dit ceci est le chemin d'Allah. Puis il a tracé des traits en travers, verticaux, descendant sur ce trait-là. Donc se croisant avec ce trait. La notion de croisement est présente. Et il a dit ceci. Ce sont les chemins, donc les mauvais chemins. Et à la tête de chaque chemin, un shaitan prêchant, appelant. Et Allah Azza wa Jal dit, « Wa hadha sirati mustaqima » Et ceci est mon chemin au singulier, pas mes chemins. Et ceci est mon chemin droit. « Mustaqiman fattabi'u » Suivez-le. « Wa la tattabi'u subula » Et ne suivez pas les chemins au pluriel. Donc le chemin du haq, de la vérité, il n'y en a qu'un. Les chemins du faux, ils sont innombrables. Allah dit, et ceci est mon chemin, droit suivez-le, et ne suivez pas les chemins, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ car ils vous disperseront et vous éloigneront du mien, de mon chemin. Donc le chemin, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un chemin. Et ce chemin-là, pour le connaître dans ses détails, dans sa législation, l'être humain, de par al-aql, la raison, ne peut pas atteindre ce chemin-là dans son détail et sa législation précise. L'être humain, par le aql, peut atteindre le tawhid à la conclusion qu'il y a un seul créateur et qu'il est aussi le seul et digne d'être adoré. Mais pour savoir comment l'adorer, peut-être que la fitra va l'amener au sujoud, ça c'est possible. Ça c'est un geste qui l'être humain lorsqu'il est épris d'amour et de crainte devant son adoré, alors il se prosterne. Et on voit que la plupart même les rois, les tyrans, les gens qui veulent vraiment mettre en position d'adoration leurs adeptes, n'éprouvent une totale satisfaction que lorsqu'ils voient le front de leur adepte se poser au sol. Donc la fitra amène au sujoud, peut amener au ruku'a. Mais la fitra ne peut pas amener au halal, au haram de manière comme elle est légiférée dans le din d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré ce chemin-là. A montré ce chemin par deux causes principales qui sont l'envoi des prophètes et la descente des livres. La descente des livres et l'envoi des prophètes. Alayhum salatu wa salam. Et donc, l'ilm, la science, c'est le critère, le seul critère qui va te permettre d'emprunter le bon chemin. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas emprunter le bon chemin et savoir que nous sommes sur le bon chemin sans ilm, sans science. Donc, l'ilm, maqam azim. L'ilm, c'est un grand stade de la foi. C'est un domaine qui est vaste. Aujourd'hui, nous allons traiter, Inch'Allah, quelques points en lien avec l'ilm, bihawlillahi azza wa jal. D'abord, concernant les récompenses de la science, les mérites de la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surat al-Mujadilah, verset 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah azza wa jal dit, Allah élèvera parmi vous les gens qui ont cru. Les gens qui ont cru et ceux à qui a été donnée la science. Puis Allah dit « Darajat », ils seront élevés en degrés au pluriel. Donc les gens porteurs de science, les musulmans connaisseurs, ne sont pas du même niveau que les musulmans ignorants. Et Allah subhanahu wa ta'ala les élève en degrés, dans ce bas monde ainsi que dans l'autre. Dans ce bas monde, ils sont élevés en degré. Ce sont des gens vers qui les gens reviennent. Ce sont des gens qui sont, bi'iznillahi azza wa jal, confiants quant à l'authenticité de leur adoration, de leurs actes. L'authenticité, je ne parle pas de l'acceptation. Car comme on verra, al-ikhlas, ça c'est, nous en avions parlé, que les gens, plus ils sont proches d'Allah azza wa jal, plus ils doutent de la première condition de l'acceptation des œuvres. Plus les gens connaissent Allah, et plus ils connaissent les noms et attributs d'Allah azza wa jal, qu'il est le tout observateur, as-sami', il entend tout, al-alim, qu'il sait ce qu'il y a dans ta poitrine, lors de ta prière, lors de ton jeûne, il connaît dans les détails ton intention. Cette connaissance-là d'Allah et la connaissance des manques et défauts de leur propre personne fait qu'ils doutent très fortement sur l'acceptation de leurs œuvres. Car l'acceptation, elle conditionne l'ikhlas et aussi qu'il y ait conformité à la sunna. Mais l'authenticité, c'est-à-dire le jugement, dire que cette prière est bonne, ce jeûne est authentique, on ne parle pas d'acceptable, simplement l'authenticité, ceci est en lien avec le deuxième critère qui est donc la conformité à la sunna. Donc les gens de science sont confiants par rapport à l'authenticité de leurs adorations. Mais quant à l'authenticité de leur acceptation, les gens proches d'Allah Azza wa Jal, bien au contraire, nous allons voir certaines paroles de pieux, ne pensent même pas avoir une action acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, surat Az-Zumar, verset 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, est-ce que sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et ça, c'est un istifham inkari, c'est une question dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il fait, il reproche cela, de pouvoir mettre au même niveau les gens qui sont de science et les gens qui ne sont pas de science. La réponse est bien sûr que non, ils ne sont pas du même niveau. Et la réponse se trouve dans le verset que nous avons cité auparavant. Auparavant, ils sont élevés en degré par rapport aux gens qui sont ignorants. فَالْعِلْمُ أَلْعِلْمُ شَرِيفُ. La science est quelque chose d'honorable. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné à son prophète de demander l'augmentation de quelque chose dans le Coran si ce n'est de la science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Quant à la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من يريد الله, pardon, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith est muttafaqun alayh. Il est rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il l'aura renversé dans les sciences de la religion. Ce hadith-là, comme disait Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayh, il sous-entend que celui à qui Allah Azza wa Jal ne donne pas la science, c'est quelqu'un à qui il n'a pas voulu de bien. C'est quelqu'un à qui il n'a pas voulu de bien. Et surtout dans cette époque où la science est facilitée à l'extrême, où il est extrêmement aujourd'hui facile d'avoir contact, soit avec les savants, soit avec la science, par les différents moyens qui sont autour de nous. Et il est réel, c'est une règle établie que celui qui se voit ignorant, c'est quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privé d'un grand bien. Et il ne doit s'en prendre qu'à lui-même, vu la facilité aujourd'hui que connaissent les musulmans pour pouvoir apprendre leur religion. Celui à qui Allah veut du bien, il l'aura renversé dans les sciences de la religion. Dans les sciences de la religion. Et nous avions vu que al-ilm, lorsque lorsque Allah Azza wa Jal et le prophète alayhi salatu wa salam font les éloges de la science et des savants dans le Coran et la Sunna, ceci renvoie à la science du din. Il ne renvoie pas à la science mondaine. Même si celle-ci est honorable, même si celle-ci aussi a des récompenses, incha'Allah, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, notamment si une intention de ta'abbud, d'adoration est mise en place, de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être au service des musulmans, comme pour le médecin en soignant les corps des gens, et si ceci est fait dans les critères de l'islam, Il n'y a pas de doute que la personne, inshallah, est récompensée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bi'iznillah. Mais la science, lorsqu'elle est citée dans le Coran et la Sunna, elle renvoie à la science, au ilm shar'i, la science législative. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit dans un autre hadith, « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Le hadith est rapporté par Muslim, Tirmidhi et Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher une science, pour s'approprier une science, Allah lui facilite par ceci un chemin au paradis. » Celui qui apprend, qui essaie d'apprendre sa religion, soit en s'asseyant dans un cercle, en écoutant un audio, en appelant un savant, en lisant un livre, cette personne-là, qu'elle emprunte un chemin, que ce soit un emprunt physique, c'est-à-dire qu'elle marche, qu'elle se déplace dans un véhicule pour pouvoir aller apprendre la science, ou bien qu'elle emprunte un chemin, que ce soit même symbolique, comme ouvrir un livre, ou écouter un dars audio, ou autre, cette personne-là, Allah lui facilite le chemin vers le paradis, un chemin vers le paradis. Et ici, il y a diverses explications. Certains disent que le chemin vers le paradis, c'est l'apprentissage de la science en lui-même. Car l'atteinte du paradis ne peut se faire sans la science. Comme nous avons dit, arriver à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas possible sans pratiquer en conformité à la législation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la pratique en conformité à la législation n'est possible qu'avec la science, qu'avec l'ilm. Donc celui qui se voit, qui voit son temps rempli de ilm, qui voit que dans son quotidien il a un goût et arrive à lire, écouter, qu'il remercie Allah, car Allah est en train de lui faciliter le chemin du paradis. Et d'autres disent que c'est le passage sur le pont Sirat et les différents événements qui auront lieu avant l'entrée des croyants au paradis, que ce passage-là lui sera facilité. Wallahu a'lam. Et la science est le chemin le plus court menant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même le seul chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les bienfaits de la science, et les hadiths montrant son mérite, c'est que parmi les signes de la fin des temps, Allah fera disparaître la science. Et comment va-t-il faire disparaître la science? Ce n'est pas en l'effaçant des poitrines, comme l'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, mais c'est en reprenant l'âme des savants. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, « Inna Allah la yaqbidu l'ilm antiza'a, yantazi'uhu min suduri nas, walakin biqabdi l'ulama. » فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas enlever la science intiza'an, comme ça d'un coup. Et les shurah, beaucoup expliquent, c'est-à-dire en l'effaçant des poitrines des savants. Les savants sont présents, vivants, et ils se lèvent un jour, ils ne savent plus rien. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il va l'enlever. Il va l'enlever en donnant la mort aux savants, en reprenant la vie des savants, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus aucun savant. Alors à ce moment-là, les gens prendront à leur tête des ignorants. Donc on remarque qu'ils veulent toujours emprunter le chemin pour aller vers Allah Azza wa Jal. Car ils prennent à leur tête des gens, ils demandent, ils font pas de leur tête. Fa'aftaw. Ils sont questionnés là, ces gens qui sont maintenant à la tête, ils sont questionnés par le commun des gens. Donc les gens posent toujours les questions, veulent emprunter le bon chemin, mais il n'y a plus de savants pour mettre les gens sur les rails et sur Sirat Allah Azza wa Jal. Fasu'ilu, ils sont alors questionnés, ces gens qui sont des ignorants et qui sont à la tête. Fa'aftaw bi ghayri ilm, ils vont répondre, donner des avis juridiques sans science. Ils s'égarent alors et égare les autres. Donc la science est quelque chose d'honorable. Et c'est quelque chose, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète et qui est même l'héritage des prophètes. Comme il est dit dans le hadith, innal ulama'a warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Tout comme lorsque un parent meurt, qui hérite les membres de la famille? Al-mustahiqoun, les gens, les ayants droit, on appelle ça. Qui sont les héritiers des prophètes? Lorsqu'un prophète meurt, il laisse un ilm derrière lui. Le ilm, donc du livre qui lui a été révélé, et sa législation, sa sunna. Pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'ont hérité les savants? Ils ont hérité le Coran et la sunna. Ils héritent cela, mes chers frères. Inna al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Le prophète alayhi salatu wassalam dit que les prophètes n'héritent pas ça, ne font pas hériter, ne donnent pas en héritage ni dinar et ni dirham. Le dinar c'était la pièce d'or et le dirham c'était la pièce d'argent. Walakin warithu al-ilm. Mais ce sont des gens qui donne en héritage la science. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍ وَافِرٍ. Celui qui prend donc cet héritage-là a pris une part énorme. Et comme on a évoqué, les prophètes étaient tous sincères. C'était des gens qui ont recherché Allah Azza wa Jal, avaient l'ikhlas et avaient la législation. Car ils recevaient cette révélation-là. Donc il fait aussi partie de l'héritage de prendre l'ikhlas fil ilm, de prendre la sincérité dans la science. Car la science est trop honorable, trop aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit prise par des gens qui ne la méritent pas ou bien qui recherchent ce bas monde à travers leur apprentissage ou bien tout autre intérêt que rechercherait l'âme de la personne, sa nefs. Et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sont claires par rapport à cela. Que l'ilm, l'apprentissage du ilm doit se faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté dans un hadith selon Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les premiers gens qui seront jugés yawm al-qiyama, un homme qui est mort martyr, on l'apportera. Et on lui fera reconnaître ses bienfaits. Et il les reconnaîtra. On lui dira, qu'est-ce que tu as fait en cela? Il dira, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure martyr. On lui dira, tu mens. Mais tu as combattu afin qu'on dise courageux. Et il a été dit. Puis on ordonnera de le prendre et il sera traîné sur son visage dans le feu. Et il sera traîné sur son visage, pardon, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Puis un homme, la deuxième catégorie, puis un homme qui a appris la science et l'a enseigné. Un homme qui a appris la science et l'a enseigné. Et a lu le Coran. Donc il a appris par cœur le Coran. On l'apportera. Et on lui fera prendre connaissance donc des bienfaits qu'il a eus. Et il les reconnaîtra. On lui dira, qu'est-ce que tu as fait donc avec cette science-là? Il dira, j'ai appris la science et je l'ai enseignée. Et j'ai appris pour toi le Coran. On lui dira, tu as menti. Mais tu as appris afin qu'on dise, c'est un savant. Et tu as appris le Coran afin qu'on dise, c'est un récitateur. Et ceci a été dit. Les gens lui ont fait l'éloge. Les gens disaient que c'était un beau récitateur. Et lui recherchait cela. Et il allait apprendre le Coran pour ceci et allait apprendre la science pour qu'on dise que c'est un savant, mashallah, etc. Puis on ordonnera de le prendre et de le traîner sur son visage et il sera jeté en enfer. Puis la troisième personne, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des largesses, de l'argent, des biens. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Allah lui a donné de toutes sortes d'argent. On l'apportera, on lui fera prendre connaissance de ses bienfaits. Il les reconnaîtra. On lui dira, qu'est-ce que tu as fait donc avec cet argent? Il dira, je n'ai pas laissé une voie dans laquelle tu aimes qu'on y dépense sans que j'y dépense de l'argent. On lui dira, tu as menti, mais tu as fait ceci afin qu'on dise, il est généreux. Et ceci a été dit. Puis on ordonnera de le prendre, il sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc ce hadith-là, qu'Allah nous protège et nous donne la sincérité, c'est un hadith honnêtement qui est effrayant. Chacun doit se demander des comptes. Si j'ouvre une page de Coran et que je veux l'apprendre, pourquoi est-ce que je veux l'apprendre? Si devant mon ordinateur je mets un audio internet, pourquoi est-ce que je mets? Avant de mettre play, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le hadith fonctionne ici aussi. Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Donc je mets une intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour que les gens disent que je suis savant ou autre, car il y a d'autres raisons qui font que la science peut être une cause, que l'apprentissage avec une mauvaise intention de la science peut être une cause d'entrer en enfer, comme nous allons le voir. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui apprend une science que l'on doit apprendre en visant le visage d'Allah, donc qui est une science de din que l'on doit apprendre seulement pour le visage d'Allah. Mais lui, il apprend afin d'obtenir une part de ce bas monde. Il ne trouvera pas l'odeur du paradis le jour du jugement. Hadith rapporté par Abu Daoud et Cheikh Al-Albani l'a authentifié, rahmatullahi alayh. Dans le sens de ce hadith, un hadith proche, An ibn Umar radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمة الله عليه. صلى ابن عمر رضي الله عنهما. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui demande la science afin de polémiquer avec les imbéciles, les naïfs, et afin de se vanter auprès des savants, ou bien de orienter les visages vers lui, il est en enfer, rapporté par Ibn Majah. Donc ce hadith-là indique que la science, elle doit être uniquement et seulement pour Allah. Pourquoi? La réponse est parce que c'est une ibad. Et ça, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de personnes apprennent sans avoir la conscience qu'ils sont dans une ibad. Les gens ne comprennent pas que lorsqu'ils vont par exemple en Égypte un an apprendre l'arabe, eh bien ils doivent mettre une niya pour Allah, tout comme lorsque tu vas faire le hajj, tu mets la niya pour Allah. Ce n'est pas 80% ou 50% de ibad. C'est une ibada à 100%. Ta'allum al-ilm, l'apprentissage de la science, est une ibad. C'est pour ça que tu vas trouver souvent l'apprentissage, mais en réalité qui n'en est pas un, qui est un passe-temps de science chez certains, très léger. Et la nafs alourdit la ibada pure, comme la lecture du Coran, ou bien la prière, sur laquelle inconsciemment on sait qu'on est dans une ibada. Mais écoutez un dars, et lorsque notamment on n'a pas pour objectif vraiment le chemin de la science. J'écoute un dars pour passer le temps. Ça va être une heure et demie, très léger, très facile. Mais lorsque c'est un dars réel, où il faut apprendre, réviser, synthétiser, écouter pour intégrer, le dars est lourd. Car ici, la notion de ibada est intégrée. Donc, l'ilm, la notion de ibada dans l'ilm, on ne peut séparer l'ilm de la ibada. L'ilm est une ibad. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre une intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez les avertissements. Celui qui apprend afin de polémiquer avec les gens, les naïfs, les personnes qui ne sont pas complets dans leur raison, les faibles d'esprit, on peut traduire ça comme ça. Et ça, c'est un fléau aujourd'hui. Un fléau que l'on trouve dans les jeunes, d'apprendre pour polémiquer. Et le signe, c'est que la personne, lorsqu'il a une notion, il polémique avec cette notion. Il va polémiquer tout de suite, pensant avoir la vérité absolue. Et il va essayer de plier autrui, à prendre cette connaissance, cette croyance, ou bien cet avis juridique, et qu'il l'applique. Et celui qui apprend pour polémiquer, pour s'asseoir avec les gens, et montrer que c'est lui le plus fort, qu'il prépare sa place en enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les prophètes pour cela. Allah a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens comment arriver à Allah, pas comment arriver à obtenir une supériorité dans les cercles en battant les gens par l'épreuve. Et de même, celui qui apprend la science, comme il est dit dans le hadith d'Ibn Omar, pour se vanter et entrer dans la classe des ulama, entrer dans cette catégorie-là et être nommé savant par les gens et se vanter et mépriser autrui. Celui-là aussi, qu'il prépare sa place en enfer. Si c'est fait par arrogance, etc., et que c'est l'objectif ultime et originel de l'acte. Mais vouloir arriver dans la catégorie des savants, ça c'est même une condition quasiment pour celui qui vraiment veut aller loin dans l'ilm. Et d'ailleurs, tous les savants avaient cette intention au début. C'est « Inch'Allah, je serai le plus grand savant de la planète. » Bi'iznillah. Celui qui met cette intention-là, Inch'Allah, il a déjà un grand objectif devant lui. Donc ce que l'on veut dire, c'est que ce n'est pas vouloir devenir savant qui est interdit, mais c'est vouloir entrer dans cette catégorie pour pouvoir se vanter et se sentir supérieur aux autres. Ou bien orienter les visages vers soi. Ça aussi, hubbu shuhra, vouloir être célèbre. Et que les gens parlent de nous, hein, que les gens nous évoquent dans leur cercle, que ce soit un sujet de discussion. Ça, c'est quelque chose aussi qui ne doit pas être présent dans l'intention de la personne, et il doit seulement et uniquement rechercher Allah subhanahu jalla fi'ula. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: كيف بكم اذا لبستكم فتنه كيف بكم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ السنه فان غيرت يوما قيل هذا منكر قيل ومتى ذاك قال قيل ومتى ذلك قال اذا قلت امناؤكم وكثرت امراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة رواه الدارمي وصحح الألباني رحمة الله عليه إسناد الدارمي. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit: qu'adviendra-t-il de vous lorsque vous serez entouré par une fitna dans laquelle le petit enfant grandira et le vieillard vieillira, c'est-à-dire qu'elle durera longtemps, et que cette fitna-là sera prise, adoptée comme étant une sunna. Et lorsque un jour elle sera changée, on dira ceci est un munkar, ceci est un mal. On lui dit: mais quand est-ce que cela aura lieu? Il a dit: lorsque les gens de confiance seront peu nombreux et que vos gouverneurs seront nombreux et que vos gens de connaissance, vos fuqaha, seront peu nombreux et que vos qurra, vos lecteurs de Coran seront nombreux, les récitateurs, les connaisseurs de tajwid. Wa tufaqqiha li ghayri ad-din, et que l'on apprendra la science pour autre chose que la religion, et que l'on cherchera le dunya à travers les actes de l'au-delà. Et celui qui est clairvoyant, il voit, subhanallah, que cette parole ajib de Abdullah ibn Mas'ud, nous la vivons dans notre époque. Al-Imam al-Dhahabi rahmatullah alayhi dit, donc ça c'est une tarjama d'un savant. Et les tarjama des savants, c'est-à-dire les biographies des savants, quand on évoque cela, c'est pour les raf'il himam, afin d'augmenter notre motivation et notre détermination. Mais on ne prend pas de règles de ahkam shar'iyya de la vie des savants. On ne prend pas de règles juridiques de la vie des savants. Le halal et le haram se prend du Coran et de la sunna. On ne prend pas le halal et le haram de la vie de shir intel ou la... Leur vie ne sont pas une source d'istidlal, de prise de dalil. Mais lorsque ce sont des gens que l'on sait qu'ils ont vécu selon le Coran et la Sunna, nasta'nisu biha, on se familiarise à leur biographie, on la lit car elle est motivante et il y a des bonnes leçons à tirer. mais fonder des règles sur leur vie, sur leurs actes ou leurs paroles, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas le cas des sahaba, radiyallahu anhu. On prend la compréhension générale des sahaba, mais le sahabi, en lui-même, de manière dépendante, n'est pas une preuve, comme cela est expliqué dans Usul Fiqh, sauf si sa parole ou son acte a été propagé et qu'aucun autre compagnon ne l'a contredit, alors ça devient un ijma' soukouti, un consensus silencieux. Ceci est en rapport avec Usul Fiqh. Donc l'imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, dit dans la biographie de Hisham al-Dastawai, qui était un très grand hafiz dans ilm al-hadith, rahmatullahi alayhi, il dit que c'était un hafiz, une hujja, un imam, un sadiq. C'était un grand hafiz, un grand connaisseur, une hujja, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était d'un très grand niveau et son avis, donc dans la science du hadith, prévaut et à sa valeur. C'était un imam aussi. Le mot imam chez les pieux prédécesseurs n'était pas donné à n'importe qui. Hein, on n'attitrait pas d'imam n'importe qui le premier venu. Ce n'était pas comme nous celui qui entre dans le mihrab. Ça c'est imam dans un sens. Mais quand il disait al-imam, l'imam Malik a dit Abdullah ibn Wahb, imam. Abdullah ibn Wahb, un des élèves de l'imam Malik, l'imam Malik a dit Abdullah ibn Wahb est un imam. Un imam, il a fait le contour du ilm. C'est quelqu'un qui amène au haq bi'iznillahi azza wa jal. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Hisham al-Dastawai? Cette parole qu'il va dire, elle est en science, justement, elle est en lien avec la connaissance qu'avaient ces gens d'Allah Azzawajal. Ils connaissaient Allah. Et c'était des gens, subhanallah, comme on dit certains salafs, c'était des ulama billah wa bishar'illah. C'était des ulama billah wa bishar'illahi azzawajal. Car les savants sont... Les gens sont de trois catégories. Les savants sont de trois catégories. Comme a dit Sofiane al-Thawri, je vous rapporte la parole, qui est une belle parole. Et Abu Hayyan al-Taymi, ils disent qu'un homme a dit, « Kana yuqal », c'est-à-dire les premiers disaient, « Al-ulama u-thalatha », les savants sont de trois catégories. « Dakelem abim » Les savants sont de trois catégories. Alimun billah, alimun bi amrillah. Savant en Allah et savant des ordres d'Allah. Savant d'Allah, de ses noms, ses attributs, connaisseur d'Allah azzajal et connaisseur de la législation d'Allah, de la sharia. Alimun billah, laysa bi alimin bi amrillah. Savant d'Allah, mais ne connaissant pas les ordres d'Allah, la législation. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui craignent Allah vraiment par khashia. Ils craignent Allah profondément. Ils font vraiment attention au halal. Ils font attention à ne pas dire n'importe quoi avec leur langue. Jamais ils ne parlent sur les gens. Hein, jamais ils ont des a'mal al-qulub d'amour d'Allah, de crainte, d'espérance très forte. Ce sont des gens de confiance. Mais ils ne connaissent pas bien le shara d'Allah. Ce ne sont pas des savants dans le shara d'Allah. La première catégorie, c'est les gens qui sont savants d'Allah et du shara, et de la législation. Et ça, c'est les gens de la complétude, qui sont complets. وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاللَّهِ Et la troisième catégorie, qu'Allah nous protège, les savants de la législation, des ordres d'Allah, mais qui ne sont pas savants d'Allah. Et ça, ce sont les savants qui ont appris pour autre qu'Allah. Mais en vérité, ce sont des ignorants. On dit savants simplement par rapport au fait qu'ils portent la législation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Jumu'ah, « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ » L'exemple de ceux à qui on a fait porter la Torah, puis ne l'ont pas portée, sont comme un âne qui porte du bois. Il ne sait pas ce qu'il porte sur son dos. Il n'en connaît pas la valeur. Que ça servira une famille pour pouvoir faire du feu. Et ce n'est même pas lui-même qui l'a mis sur le dos. Donc de même, ces gens qui ont appris la sharia, mais qui ne connaissent pas Allah Azza wa Jalla, qui l'ont pris pour autrui, qui ne l'appliquent pas, qui ne prêchent pas, ce sont des gens, a'udhu billah, qui sont la pire des trois catégories. Et ces trois catégories-là, les meilleurs et les plus proches d'Allah sont les savants d'Allah Azzawajal et les savants qui sont savants d'Allah et des lois d'Allah. Qu'est-ce que nous dit l'imam Zahabi? Il dit une parole par rapport à l'imam Hisham al-Dastawai, une parole de l'imam Hisham al-Dastawai qui montre que c'était des personnes qui n'étaient pas seulement des savants du hadith, du fiqh. Parce que nous, ce que l'on retient des quatre imams, l'imam Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, souvent, on ne retient que leur ilm shari. Et lire leur vie et s'arrêter sur les mawaqif, les événements, les comportements qu'ils ont eus en termes de a'mal al-quloub, en termes d'actes du cœur, en termes de qualité, tu verras que c'est par cela qu'ils ont été ce qu'ils ont été dans l'ilm shari. Il y avait des gens plus avant encore que l'imam Malik à son époque. L'imam al-Shafi'i disait Al-Layth ibn Sa'd afqah min Malik walakin ashabahu walakinna ashabahu dayya'u. Il disait Al-Layth ibn Sa'd est plus savant que Malik, mais ce sont ses adeptes qui l'ont gâché en ne propageant pas son madhhab. Mais Allah alam la différence entre ces gens-là. Les madhhab, il y avait 10 grands madhhab quasiment. Pourquoi ces quatre sont restés là? Al-ilmu indallah. Mais nous, ce que l'on passe, Allah alam la différence, c'est fait au ikhlas. Certains disent qu'ils ont vu l'imam Qarafi en rêve. Et ils l'ont dit, qu'est-ce qui t'a fait entrer au paradis? Allah alam, si ça c'est sahih. Ça se dit, hakada isti'nasan. Les ru'ya, on ne prend pas de dalil par rapport à ça, mais c'est quelque chose que les salafs racontaient quand ils voyaient un pieu en rêve. Il disait qu'est-ce qu'ils avaient vu. L'imam al-Qarafi, c'est une montagne du madhab. Le Maliki, c'est quelqu'un qui a écrit dans le Qawa'id Shari'a des fondements des livres, qui sont des livres fondateurs, comme Al-Furuq ou autre. On lui a demandé dans le rêve, il a dit, on lui a dit, donc qu'est-ce que a fait Allah de toi? Il a dit, il m'a fait entrer au paradis. Allah alam, on ne juge pas par ça que l'imam al-Qarafi est entré au paradis, c'est interdit. On lui a dit, bima, on lui a dit, par quoi? Par tes doros, tout ce que tu as écrit, tout. Il a dit, bi rukayat kuntu arka'uhunna fi jawfil layl. Par quelques raka'a que je faisais au milieu de la nuit. Donc ces gens-là, ils ont atteint, par leur connaissance d'Allah, leur degré. Qu'est-ce que dit donc l'imam al-Dastawai, rahmatullahi alayhi? L'imam al-Dahabi dit que Aoun ibn Umara a dit, j'ai entendu Hisham al-Dastawai dire, et c'est un grand savant de hadith, Wallahi ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qat atlubu al-haditha uridu bihi wajha Allah azza wa jalla. Il dit, par Allah, il jure, il dit, je ne peux pas dire que je suis parti un seul jour apprendre le hadith en voulant le visage d'Allah azza wa jalla. C'est des gens dont la journée était pleine de jour comme de nuit, c'était des gens qui étaient dans l'apprentissage du hadith, dans l'enseignement du hadith. Il dit, Wallah, je ne peux pas dire qu'une seule fois je suis sorti de chez moi et je suis allé apprendre le hadith pour Allah et Azzawaj. Qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Dhahabi qui a rapporté dans Siyar al-Alam al-Nubala, donc un recueil de biographies de savants? Il a dit, Wallahi, l'imam al-Dhahabi, il a dit, Wallahi wa la ana, Wallahi, moi non plus, je ne peux pas. Et l'imam al-Dhahabi fait partie aussi des pierres précieuses dans l'ilm al-Hadith. Et on voit les gens qui apprennent et qui disent, moi j'apprends pour Allah, Azza wa Jal. Hein? Non, je sais que c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, da'iman al-insan yattahimu nafsah. Toujours la personne remet en question son intérieur. Il remet en question son intérieur et se dit qu'il n'est pas arrivé. Et ceci est un signe de la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, toujours dans Siyar al-Alam al-Nubala, dans la biographie de l'imam al-Allam al-Hafid, Sheikh al-Haram Abd al-Malik, Ibn Abd al-Aziz, Ibn Jurayj, rahmatullahi alayhi, qui était un grand imam al-Hafid, rahmatullahi alayhi, qui était donc dans les terres sacrées, il dit, Al-Walid ibn Muslim, rahimahullah, a posé la question à Al-Awza'i. Al-Awza'i, c'est un très grand savant du Shem. Un très grand savant du Shem et qui est sahibu madhhab, comme les quatre imams, qui est un imam possédant son madhhab et ses qawa'id, ses règles, ses usul, mais son madhhab s'est perdu avec le temps. Il dit, on a demandé à Al-Awza'i et Saïd ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Il dit, pour qui vous avez appris la science? Tout le monde a dit pour moi. Il n'y en a pas un qui a dit pour Allah. Tout le monde a dit pour moi. Sauf Ibn Jurayj. Il a dit, je l'ai appris pour les gens. Rahimahullah. Deux ont dit, moi je l'ai appris pour moi. Le troisième, Ibn Jurayj, il a dit, je l'ai appris pour les gens. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui s'introspectaient de manière profonde. Et qui n'étaient pas confiants de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith authentique, il est dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les tourne comme il veut. Et donc, comme il savait que ce cœur-là peut se tourner à tout moment, et que c'est un cœur qui est très sensible, il n'avait pas confiance en leur niya. Et il a rapporté que Shu'ba ibn al-Hajjaj, lui aussi, c'était une montagne, fait ilm al-Hadith, rahmatullahi alayh. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, وَدِتُّ أَنِّي وَقَادُ حَمَّامُ وَأَنِّي لَمْ أَعْرِفِ الْحَدِيثِ. Il a dit, j'aurais espéré être quelqu'un qui jette le bois dans le fournil d'un bain public pour chauffer l'eau et de ne jamais avoir connu le hadith. Il dit, j'aurais espéré être quelqu'un qui jette le bois dans le fournil pour chauffer le bain public. C'est-à-dire, voilà, ça ne demande pas un grand QI, ça. Et de ne pas avoir connu la science du hadith. Sachant la responsabilité du ilm, et qu'il va lui être demandé d'appliquer cela, et ayant peur, et notamment, jeter du bois, ça ne demande pas beaucoup de niya. Hein, ce n'est pas une ibadah en soi-même. Mais ilm al-hadith, c'était une niya. Il y a une niya. L'imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, a dit, كل من حقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا ويود أن ينجو كفافة. Il dit, toute personne qui analyse son intention dans sa demande de science, il dit, il a peur de ces choses-là. Donc de demander la science pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il espère d'arriver auprès d'Allah Azza wa Jal كفافن. Pas de péché et pas de bonne action. Si j'arrive avec le compteur à zéro, page blanche, alhamdoulillah par rapport à la demande de science. Tellement c'est une notion qui est double tranchant. Donc ces gens-là, rahmatullahi alayhim, recherchaient la science. Et c'était des gens qui avaient compris qu'est-ce que la science. Parce que al-ilm, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'est-ce que l'ilm? Qu'est-ce que la connaissance? Est-ce que c'est quelque chose simplement qui prend place dans le cerveau, qui est un ensemble d'informations? Ou bien c'est quelque chose qui prend place dans le cœur et qui a un impact sur le comportement? Et nous allons lire les paroles d'Allah Azza wa Jal, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des savants concernant al-ilm. Quel est le ilm qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal dit dans surat Fatir, dans le verset 28, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que seuls craignent Allah, une crainte complète, comme il se doit, les savants connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est ici visé? La science en Allah? La science, connaissance d'Allah? Connaissance de législation d'Allah, ou bien les deux, connaissance d'Allah et de législation d'Allah. Les plus complets, c'est sûr, c'est ceux qui connaissent Allah dans ses noms, ses attributs, le connaissent réellement. Et ceux qui connaissent la sharia, encore plus craignent. Car la connaissance de la sharia, la connaissance de ses lois divines, de ses objectifs, de sa justice, son équité, notamment en comparaison avec les lois humaines, lorsque on voit le caractère complet de ces lois-là, ceci nous rajoute en crainte d'Allah Azza wa Jal. Et nous rajoute en connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en aucun cas dans ce hadith-là, dans ce verset-là, comme c'est compris par certains, qui par Le fait simplement que la personne a un certain niveau de connaissance dise que c'est quelqu'un de khashia. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas impliquée avec simplement la connaissance de la législation. Non, la première source, c'est la connaissance d'Allah. La connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'ils ont su qu'il était complet dans ses qualités et qu'il a les beaux noms et attributs, ceci a complété leur crainte d'Allah azza wa jalla, leur khashia, et leur science de ce fait-là s'est accomplie. Mais il y a des gens qui ont un très grand niveau de crainte d'Allah azza wa jalla et qui pourtant ne connaissent pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talha rapporte qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hein, toujours nous on dit fahm al-salaf, la compréhension des salafs, la compréhension des salafs est ici. Qu'est-ce que dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit dans ce verset: inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama qal alladhina ya'lamuna anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ceux qui savent que Allah est capable de toute chose. Ceux qui savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête à ça. Il y a des gens qui savent qu'Allah est capable de toute chose et ils ne sont même pas musulmans. Ça ne veut pas dire que c'est un tafsir de la ayah et que ça veut dire que cela. Naam, Saïd ibn Jubair a dit al-khashia, la crainte, c'est celle qui t'empêche de faire la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Malik rahmatullahi alayh, on lui a demandé qu'est-ce que c'était la science. Et il a dit que la science, al-ilmu nurun yaqdifuhu Allah fi qalbi man yasha'u min ibadi. La science, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur de qui il veut. Wa laysa al-ilm bi kathrati ar-riwaya. Et la science n'est pas dans le fait de connaître beaucoup de riwaya de hadith. Et ces gens-là, craignant Allah subhanahu wa ta'ala et sachant que la science est une très grande responsabilité, étaient des gens qui disaient souvent la adri, je ne sais pas. Ça aussi c'est un fléau aujourd'hui. Dire je ne sais pas, c'est quelque chose qui n'existe pas sur la langue de certains. Et ça revient à la méconnaissance d'Allah azza wa jalla. Les gens qui connaissaient réellement Allah subhanahu wa ta'ala et qui savait qu'il était le seul omniscient n'éprouvait pas de gêne à dire la adri, je ne sais pas. Alors que les gens qui ne répondent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont une méconnaissance de leur propre personne et du danger de répondre à une question jurisprudentielle arrivent avec beaucoup de facilité à dire je sais, une réponse qui parfois même est erronée. Et plus la personne se rapproche d'Allah et découvre l'attribut d'Allah qui est Al-Alim, la science d'Allah, d'abord par son shara, par sa législation. Car le vrai Alim qui voit la profondeur de notre sharia va comprendre que cette sharia est divine. Il n'est pas possible que ce soit un humain qui ait forgé ces lois-là. De par leur profondeur, leur justice, leur équilibre, elles répondent à tous les problèmes que peuvent rencontrer l'humanité, quel que soit le temps et l'espace. La personne qui comprend cela, par rapport à sa compréhension du mot Alim, de l'attribut Al-Alim, subhanahu wa ta'ala, n'est pas comme l'ignorant de la sharia. Donc la personne connaissant la sharia d'Allah, azza wa jalla, connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, se voit ignorant, subhanallah. Plus je connais la science d'Allah, plus je me vois ignorant. Alors que l'ignorant réel, qui ignore, ou bien qui a une mauvaise compréhension de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas aussi profonde que celui-là, et qui n'a pas une bonne compréhension de la sharia, n'en connaît pas la profondeur, et une méconnaissance de sa propre personne, se voit savant. Se voit savant. C'est pour ça que les premiers, ils n'écrivaient pas d'eux-mêmes, shaykh, de eux-mêmes. Ou n'aimaient pas qu'on les appelle shaykh, allama ou kata. Mais certaines personnes, tu ne lui dis pas shaykh, ils se vexent. Si tu ne dis pas Allama, il se vexe. Al-Sheikh al-Fadil, il se vexe. Si tu ne lui donnes pas une position spécifique due à sa science, s'il en a encore, Il se vexe parce qu'il est méconnaisseur de sa propre personne. Et donc les premiers disaient beaucoup la adri. Ibn Abd al-Barr, nous terminons inshallah rahmatullah alayh, rapporte avec une chaîne de transmission sur Abd al-Rahman ibn Mahdi rahimahullah, il dit: nous étions avec l'imam Malik ibn Anas rahimahullah. Un homme est venu et a dit: ô Abba Abdillah, je suis venu d'une distance de 6 mois. C'est-à-dire, ça fait 6 mois qu'il a voyagé. 6 mois. La personne est venue à parcourir une distance de 6 mois, à cheval ou en chameau. Ils ont dit: حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. Les gens de mon pays m'ont responsabilisé de t'apporter une question afin que je te demande la réponse. قال سل, il a dit demande. فسأله الرجل عن المسألة. La personne a demandé à l'imam Malik. فقال لا أحسنها. Il a dit لا أحسنها, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas donner une bonne réponse. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. La personne a été troublée comme si elle avait envoyé à quelqu'un qui connaît tout. فقال أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم. Il a dit: mais qu'est-ce que je vais dire aux gens de mon pays quand je vais revenir? Il a dit: tu leur dis Malik a dit لا أحسن. Je leur dis Malik a dit je ne sais pas, je ne peux pas. Ça c'était vrai savant. Alhamdoulillah, il en reste toujours bien sûr. Bihawlillahi azza wa jal. Fal'ilm, ayyuhal ikhwa wal akhawat, al'ilm rabbani. Je suis passé un peu, j'ai survolé des notions un peu de ci et de là, et simplement pour arriver à une condition, à une conclusion, pardon. C'est que al-ilm rabbani, la vraie science, c'est la science qui donne lieu à l'acte. C'est la science qui donne lieu à l'acte. Et c'est la science qui donne lieu à l'acte. Pourquoi? Parce que c'est une science qui passe par la khashiya d'Allah. Il y a ce triangle. La science donne naissance à la khashiya, à la crainte d'Allah. Et la vraie khashiya donne naissance à quoi? À l'acte. Donc les vrais savants, c'était des gens qui craignaient Allah. Comment on voyait qu'ils craignaient Allah? Par leurs actes. Pour ça, quand tu lis la biographie des savants, c'était des gens, et à leur tête le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui agissaient. Ce n'est pas des gens seulement qui parlaient, hein, des gens avec des prétentions. Non, le prophète alayhi salatu wassalam, motivé aux actions, il était le premier. Hein. Il se levait la nuit, il jeûnait, il liait les liens de la parenté, il motivait au bon comportement, il avait le meilleur comportement. C'était quelqu'un qui appliquait la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Les sahaba de même, radiyallahu anhum. Et de même, tous les savants, rabbani, jusqu'à nos jours, ce sont des gens qui ont concilié la science et l'acte. Mais le fléau de la consommation, parce qu'on veut des choses qui sont faciles à voir. Apprendre, c'est plus facile que agir avec la science. L'apprentissage, rapidement on peut prendre certaines notions, mais agir par ces notions-là. C'est pour ça que nous, on est dans tezkiyat an-nafs. Et pouvoir corriger son âme, c'est d'abord en ayant des objectifs. Celui qui n'a pas d'objectif, comment il va se corriger? Il n'a rien d'établi dans sa vie. Il est dans le flou. Il va vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans le flou. D'abord, apprendre le dîme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois apprendre, ça c'est une première chose. Apprendre le livre d'Allah, ce que je peux apprendre. La jurisprudence, comment adorer Allah azzawajal, ça c'est important. Parfois des questions nous sont posées, c'est des questions choquantes. Pour quelqu'un qui a 3, 4, 10 ans de prière, des questions sont inacceptables. Il y a des gens qui ignorent des choses qu'on n'est pas censé ignorer. Et une fois que j'apprends ça, il faut que je l'applique. Appliquer la science. Aujourd'hui, on a ce fléau d'apprendre parce qu'on veut consommer. Mais on n'applique pas. On n'a pas beaucoup d'applications. Les gens ont le cerveau plein, mais où sont les applications? Donc, il faut appliquer notre ilm. Et donc, il faut se demander, comme nous avons dit, pour purifier notre âme, se demander des comptes. Celui qui se demande des comptes, simplement, je connais combien de hizb? J'ai évolué. J'en connaissais un, maintenant deux, puis trois. Ça fait 7 ans, maintenant j'en connais 20, 25. Je connais tant de hadiths. J'ai commencé par tel hadith, j'ai appris les 40 hadiths de l'imam Nawawi, maintenant je connais tout le Bukhari, etc., etc. demander des comptes sur les actes. Est-ce que j'agis en fonction de cette science-là? Car la science sans acte, c'est une preuve contre nous. Comme il est rapporté dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Le Coran est une preuve pour toi ou bien contre toi. Pour toi ou bien contre toi. Dans Sunan al-Tirmidhi, les jambes de l'individu ne bougeront pas yawm al-qiyamah jusqu'à ce qu'ils soient interrogés sur quatre choses. Parmi celles-ci, sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Donc la pratique du ilm. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.